dans la glace. Les aigus font face. Je l'esquive et deux coups d'œil auxquels j'ai toujours perdu. J'ai toujours joué mais à contre-pied. J'ai vite perdu pied. Toujours perdu. You're such a wonderful woman.